Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Marilyn Monroe, l'actrice derrière la star. Elle disait elle-même, elle le dit sur ses bandes d'ailleurs, elle dit le rêve de ma vie, c'est que je voudrais être. I would like to be wonderful. I only know I want to be wonderful. Je voudrais être merveilleuse, mais j'ai tout le temps peur. J'ai tout le temps peur. Elle mourait de peur. Elle mourait de peur de décevoir les gens. Le journaliste français Georges Belmont à l'émission Horizon. En 1960, Georges Belmont a assisté pendant 3 semaines au tournage du film Let's Make Love, le milliardaire en français. Et rapidement, il est devenu clair pour lui que Marilyn Monroe était une actrice bourrée de talent, mais aussi de doutes incessants. Georges Belmont estime que ce que l'on a souvent d'ailleurs considéré comme des caprices d'actrice chez Marilyn était en fait le signe du perfectionnisme maladif de celle qui ne veut pas décevoir. Je trouve Marilyn merveilleuse. C'est une femme qui a été exploitée, que personne n'a compris, qui a été... Elle en est morte du reste. Je pense que ça devait être quelqu'un de fragile, sous ses apparences très sexy comme ça, bon, mais mignonne comme tout, je veux dire, on aurait dit un bébé. Elle était fraîche, belle, pure et attendrissante de fragilité. Et les gens qui l'ont côtoyée l'ont détruite probablement. Et j'ai une grande tendresse pour Marilyn Monroe. Brigitte Bardot, à propos de Marilyn Monroe, ça commence bien une émission, comme on dit, pour retracer la carrière de Marilyn Monroe, pour parler de sa vie aussi. Je reçois Hélène Faradji, qui est blogueuse cinéma pour le site de Radio-Canada, animatrice de plein écran à Première Plus. Hélène Faradji, bonjour. Bonjour. C'est un gigantesque morceau de cinéma, Marilyn Monroe, plus que ça, de culture occidentale. Quelle importance elle a dans l'histoire du cinéma, mais plus largement dans l'imaginaire collectif occidental? Oui, le mot est juste. Elle a vraiment une importance capitale dans l'imaginaire mondial parce qu'elle a imposé une féminité qui est extrêmement explosive, qui est très sensuelle, très sexuée. Mais aussi, on a fini par découvrir au fil des années que c'était une femme très fragile, avec beaucoup de démons, beaucoup de difficultés à vivre. Et donc, ce mélange d'explosivité sensuelle et de fragilité absolue en a fait, je crois, une icône, un mythe. Au point même que Andy Warhol a été un des premiers à le comprendre et à la peindre un peu comme une marque, ouais, finalement, de commerce. Et un mythe, une marque, une icône qui reste aujourd'hui encore présent dans nos vies. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, je pense parce qu'elle a eu un destin tragique. Elle est morte très, très jeune quand même, Marilyn Monroe. Elle avait 36 ans quand on l'a retrouvée morte en 1962. Et ce destin tragique cumulé à une carrière qui a été difficile aussi. On a gardé l'image comme ça de la grande star extrêmement à l'aise qu'on voit sur les posters et dans les films. Mais dans le fond, sa carrière a été très difficile. Ses débuts aussi ont été très difficiles. Donc je pense que ça a laissé une empreinte sur l'imaginaire assez marquante, en tout cas plus marquante que des actrices qui ont eu un destin plus normal. C'est riche, en fait. C'est un personnage qui est riche, ouais, en partant. On va parler au cours de cette émission de ce personnage, de la star, de la femme, de l'actrice aussi. Mm-hmm. Et cette actrice-là, elle a été, au fond, Marilyn Monroe s'est elle-même éclipsée. La légende a beaucoup éclipsé l'actrice qu'elle était. On la redécouvre, cette actrice Hélène Faradji, depuis, je sais pas moi, une quinzaine d'années, je dirais. Mm-hmm. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve l'actrice Monroe? Je pense parce qu'on se rend compte ces temps-ci qu'on n'en a plus des actrices de cette trempe-là qui sont capables d'allier une sensualité absolue, un érotisme vraiment très fort qui tombe jamais dans la vulgarité, une drôlerie extraordinaire, extraordinaire. Marilyn Monroe est peut-être une des plus grandes actrices comiques de l'histoire du cinéma, mais mariée à cette sensualité et mariée à cette fragilité qu'on voit quand elle commence à aborder des rôles un petit peu plus difficiles dans le film de Houston, Les Misfits par exemple. On voit que c'est aussi une actrice qui a une épaisseur dramatique vraiment tangible. Et donc cette capacité à tout faire, d'être drôle, émouvante, de chanter, de danser, d'être sexy et d'être profonde. Mais je pense que ça fait qu'aujourd'hui, on la redécouvre, ou en tout cas, on continue à explorer le mythe Marilyn parce qu'il est infini et qu'il y a très peu d'actrices qui sont capables d'avoir cette diversité. Et même si ça n'a pas toujours été facile, on y reviendra, mais elle a, et c'est aussi une preuve de talent, elle a tourné avec les plus grands, elle a tourné avec de grands réalisateurs. Absolument, John Huston, Billy Wilder, Fritz Lang, Mankiewicz, elle est dans les films les plus importants du cinéma des années 40, 50, 60, et effectivement, si on l'a vu surtout dans des seconds rôles au début, elle faisait surtout des apparitions. Il y a peu de gens qui sont capables de citer comme ça spontanément un grand rôle de Marilyn. Reste qu'elle a laissé son empreinte sur chacun de ses films, même quand c'était des tout petits rôles. Alors, ça commence comment pour elle? Ça commence par une enfance difficile, on peut dire ça tout de suite. Très, très difficile. Elle naît en 1926 à Los Angeles. Sa mère est monteuse, donc déjà le milieu du cinéma est là. Elle s'appelle Norma Jean Baker, donc c'est pas encore Marilyn, et Norma Jean Baker est un hommage à Jean Harlow, une des premières actrices très blonde, comme ça, très, très pulpeuse. Et sa mère, malheureusement, a des problèmes de santé mentale assez graves. Elle ne connaît pas son père, hein, Marilyn. Et donc, sa mère va être internée. Et Marilyn va être placée dans différents foyers, orphelinats, amis de la famille. Bref, une enfance très difficile. Et elle va arrêter les études à 16 ans, donc très très jeune, pour se marier avec un jeune homme qui s'appelle Jim Doherty, qui va être appelé sous les drapeaux. Et dès qu'il part faire la guerre, Marilyn, elle, enfin Norma Jean encore, trouve un emploi dans une usine, comme beaucoup de femmes à l'époque. Elle participe à l'effort de guerre. Et là, c'est un peu le rêve qui commence parce qu'il y a un journaliste qui vient faire un reportage dans cette usine et la photogénie de Marilyn parle pour elle. Immédiatement, on la repère, c'est-à-dire que le journaliste prend des photos. Et pour tout son suite, reportage. Pour son reportage, tout à fait normalement. Elle est ouvrière et tout de suite, elle se détache. On ne voit qu'elle. C'était une très belle adolescente, il faut le dire. Elle a déjà cette féminité exacerbée. Elle a des seins, des hanches, une allure extrêmement pulpeuse. Et donc, très, très rapidement, elle va devenir mannequin. Elle va faire des couvertures de magazines. Elle va divorcer du fameux jeune homme. Et puis, elle va devenir blonde pour une publicité de shampoing à l'époque. Et là, tout commence pour elle parce que la Fox, qui est un des plus grands studios à l'époque, la repère et lui offre son premier contrat, un contrat de 6 mois. Et cette blondeur, Hélène Faradji, c'est déterminant dans ce que sera et deviendra Marilyn Monroe? Je pense que oui, parce qu'on a beaucoup insisté sur le fait qu'elle était à la fois angélique et sexuée. C'est-à-dire qu'elle avait ce côté très enfantin que soulignait encore plus cette blondeur de plus en plus pâle avec les années. D'ailleurs, elle était presque blanc à la fin, cette chevelure blonde. Et donc, ça apporte une douceur, ça temporise peut-être un peu le sex appeal, le glamour de Marilyn qui était évident. Et je pense qu'encore une fois, ce mélange des deux a fait qu'elle était particulière. Ouais. Donc, repérée par un studio, ce qui l'amène à un premier rôle. Ça se passe quand? Quand apparaît-elle pour la première fois à l'écran? Alors, pour la première fois, c'est dans un film qui s'appelle « Bagarre pour une blonde ». C'est encore une fois un tout petit rôle, une toute petite apparition. Il faut dire que c'est la Fox qui l'a fait changer de nom en lui expliquant que Norma Jean Baker, c'est pas très vendeur. Et donc, elle va choisir le nom de sa mère, Monroe, et ce prénom tout en allitération, Marilyn Monroe. Mais au début, effectivement, ses premières apparitions, c'est rien du tout. C'est une blonde comme il y en a des centaines à Hollywood, exactement. Exactement. Et la Fox, d'ailleurs, va la licencier très vite. Au bout des 6 mois, on ne va pas renouveler son contrat. Mais elle va se retrouver chez Columbia, donc le studio concurrent, toujours dans le même type de rôle, c'est-à-dire la bimbo, la pin-up, la fille qui apporte du sex appeal. Et une des premières fois où on la repère, c'est dans un film des Groucho Marx qui s'appelle La pêche au trésor. Et c'est très drôle parce que les Marx Brothers comprennent qu'il faut jouer de cet archétype. Donc elle passe dans un bureau juste devant Groucho Marx et elle lui dit « Des hommes me suivent ». Et Groucho Marx la regarde et il fait « Oh, je me demande bien pourquoi ». Et c'est la seule apparition de Marilyn dans ce film, mais effectivement, on la remarque tout de suite parce qu'elle a cette qualité assez incroyable d'attraper la lumière, de s'imprimer sur l'écran d'une façon extraordinaire. Et quelle est la fameuse étincelle qui provoque l'explosion, Marilyn? Il y en a plusieurs, mais je crois que c'est à l'époque, justement, elle travaille pour la Columbia, elle a toujours ses petits rôles et elle a du mal à payer son loyer, comme beaucoup de jeunes actrices. Donc, elle accepte de poser nue pour un calendrier. Aujourd'hui, on connaît l'histoire, c'est devenu célèbre, mais à l'époque, elle espère garder ça caché le plus longtemps possible. Elle récolte un maigre $50 pour cette séance photo. Elle est nue sur du velours rouge. Et quelques années plus tard, pas très longtemps après, on redécouvre ces photos-là quand elle est devenue un petit peu plus star. Et les studios ont très très peur parce que ça pourrait ruiner sa carrière. Sauf que Marilyn a l'intelligence de savoir répondre aux médias. D'abord en expliquant très candidement qu'elle devait payer son loyer, qu'elle n'avait pas le choix. Donc elle gagne quand même le cœur du public comme ça. Mais aussi, elle fait preuve d'un esprit assez remarquable parce que les journalistes vont lui demander « Mais vous ne portiez vraiment rien ?» Et elle a l'intelligence de répondre « Juste du Chanel numéro 5 ». Ouais. Ça fait rire tout le monde, elle se met le public dans la poche. Et donc effectivement, avec quelque chose qu'on pourrait penser dramatique pour une carrière, bah finalement, elle arrive à en faire un atout de plus. Donc ça, je pense que c'est assez déterminant dans son parcours. Et puis ensuite, c'est aussi sa participation à 7 ans de réflexion. Le film de Billy Wilder, c'est la fameuse image de la jupe blanche qui se soulève au-dessus de la bouche de métro, qui va rester dans l'histoire du cinéma comme une des scènes peut-être les plus célèbres. Le tournage même de cette scène avait attiré des badauds, on avait dû fermer la rue. Joe DiMaggio, qui était la star du baseball qu'elle fréquentait à l'époque, était là aussi, il essayait de surveiller, ça l'avait mis en colère parce qu'il ne supportait pas de voir sa femme livrée comme ça au regard des passants, mais ça reste effectivement un moment de cinéma extraordinaire. Et c'est parti pour elle. Elle devient vraiment très, très, très aimée. Avec ce paradoxe, puis on va y revenir dans un instant, que les studios la méprisent. Au fond, Hollywood la snob, mais vraiment plus que ça, la méprise. Mais elle est immensément populaire auprès du grand public. On écoute un commentaire de la journaliste Judith Jasmin sur l'engouement, justement, autour de Marilyn Monroe en 1954. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, poop-poop-pee-doo. I wanna be. Mais nous voici amenés devant d'autres tentations. Ou plutôt, la tentation numéro un de l'Américain. Elle est symbolisée en ce moment par une géante blonde en maillot rouge qui surplombe le Times Square. Cette jeune actrice, dont le nom s'étale en ce moment partout en Amérique, a eu l'extrême astuce, à défaut de talent, de poser sans voile pour l'illustration de certains calendriers. Un remède à la fuite du temps, sans doute. Elle est actuellement la déesse de New York et de l'Amérique. Une déesse blonde et rose à la tête d'une cohorte de bacchantes lâchée sur le pays pour enivrer ou endormir l'Américain moyen, qui sait. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Tout était là dans cet extrait de Judith Jasmin. Elle décrit, la journaliste canadienne, l'admiration que suscite Marilyn, la grande popularité dont elle jouit. En même temps, on entend une réserve, et je suis poli, peut-être un peu de mépris, comme Hollywood va mépriser Marilyn. Tout est vraiment dans cet extrait. D'abord, sur la popularité de Marilyn, pourquoi auprès du grand public est-elle si populaire, Hélène Farage? C'est toujours difficile de savoir exactement pourquoi un acteur ou une actrice arrive à soulever l'enthousiasme des foules comme ça, mais je pense que la candeur de Marilyn y est pour beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, quand elle raconte cette histoire de calendrier, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de stratégie, elle raconte simplement sa vie, puis sa vie est tragique, on est obligé de le reconnaître, et elle a une innocence qui fait, je pense, que le public s'attache à elle. En plus, bon, c'est l'époque où elle elle fréquente Joe DiMaggio, qui est extrêmement populaire aussi. Donc elle va faire comme ça des choix hors carrière, j'ai envie de dire, des choix extérieurs à sa carrière, qui vont lui attirer la sympathie du public. Et puis son physique, ce qu'elle est. Son physique, évidemment, on ne peut pas le nier. C'est une femme qui est extrêmement belle, qui est extrêmement séduisante. Les femmes veulent lui ressembler, les hommes veulent la séduire. Donc ça crée comme ça une espèce d'alchimie follement séduisante pour le public. Mais en effet, elle doit se battre constamment pour gagner une légitimité. C'est-à-dire qu'elle est populaire, mais elle n'arrive pas à être légitime. Et pourquoi? Pourquoi ce mépris des grands studios, alors qu'elle rapporte, c'est une machine afrique, Marilyn Monroe, elle rapporte énormément aux studios, mais on la prend pas au sérieux, on la méprise. Parce que c'est l'archétype de la blonde idiote. Donc on se dit, cette fille ne peut faire que ça. Elle ne peut que chanter, elle ne peut que séduire, elle ne peut qu'être aguichante. Elle ne sera jamais une vraie actrice. À l'époque, même au tout début, elle fréquente Elia Kazan, réalisateur de Sur les quais, metteur en scène de grands talents. Et il veut bien s'afficher avec elle à son bras, mais il refuse de la faire tourner. Et c'est pareil avec les studios, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils veulent l'avoir pour des promotions, des posters, des galas, etc. Mais dès qu'il s'agit de lui donner quelque chose à jouer, de véritablement miser sur ses talents d'actrice, on n'y croit plus. Et elle, ça va la détruire petit à petit, parce qu'elle s'en rend bien compte. Quand elle tourne dans Les Hommes préfèrent les blondes avec Jane Russell va être payée $150,000. Marilyn, elle, va être payée $15,000. Donc ça prouve bien à quel point on ne la respecte pas. C'est aussi une période où s'imposent des actrices comme Audrey Hepburn, comme Grace Kelly, c'est-à-dire des femmes très élégantes, un peu froides, qui justement sont presque asexuées, ou en tout cas qu'on n'identifie pas par leur sex appeal. Et ces femmes-là ont accès à des rôles que Marilyn désire. Elle va s'en faire shipper quelques-uns par Audrey Hepburn. Alfred Hitchcock va refuser de tourner avec Marilyn en disant « Je ne tourne pas avec des actrices qui ont le sexe affiché sur la figure. » Donc voilà, ça résume un petit peu l'opinion qu'on avait d'elle à l'époque. Et c'est sans compter qu'elle sera à couteau tiré. En fait, il y aura des tournages très, très difficiles. Ça aussi, ça participe des difficultés qu'elle aura avec les grands studios et avec Hollywood. Je vous propose d'écouter à nouveau celui qu'on entendait au tout début de l'émission, le journaliste français Georges Belmont, qui parle et qui a donc assisté, je le rappelle, au tournage du film Let's Make Love, le milliardaire en français, sorti en 1960 pendant 3 semaines. Écoutez-le parler de Marilyn Monroe sur le tournage de ce film à l'émission Horizon en 1971. Let's... Les histoires des retards, des fameux retards de Marilyn, de toutes les caprices de Marilyn, c'était pas des caprices, c'était toujours lié au travail. Et c'était parce qu'elle n'était pas satisfaite ou de ce qu'on lui avait fait faire ou de ce qu'elle avait fait. Et en général, elle commençait toujours par ne pas être satisfaite de ce qu'elle avait fait. Mais je l'ai vu avec Cukor, elle tournait à ce moment-là Let's Make Love avec Montand, et je l'ai vu avec Cukor insister, dire, après qu'on avait fait 12 prises d'un plan, dire, il faut recommencer. Il faut recommencer. Donnez-moi 3 encore. Et Cukor disait, mais c'est pas la peine. Vous êtes, you are wonderful. You were wonderful. It's wonderful, Marilyn. Alors le soir, je suis allé voir les Rushes avec Cukor. Tard. Et les Rushes, et à la fin, il a juré, she was right. Mais alors les gens lui en voulaient. Les gens qui ne savaient pas ce qui se passait exactement lui en voulaient. On disait, ça y est, elle recommence encore ses histoires, etc., etc. Kiss me, baby. Let's make love. Don't just lay there. Honey, do something. Alors, elle était comment, Marilyn Monroe, sur un plateau de tournage, Hélène Faradji? Elle était difficile, c'est vrai. Elle avait un trac énorme. Elle était dévorée par le trac, par l'idée de plaire, de bien faire, d'être justement de prouver qu'elle était plus qu'une poupée, qu'un sex symbole, de montrer qu'elle était une actrice. Et donc, elle demandait beaucoup de prises. Elle arrivait souvent en retard. Elle prenait beaucoup de médicaments aussi, ce qui a probablement causé sa mort dans les années 60. Mais effectivement, c'était difficile, sauf que quand elle y arrivait, c'était extraordinaire. Ouais. Et Billy Wilder, qui est un des réalisateurs qui l'a fait tourner deux fois, parlait de son génie comique spontané. Il y a une scène dans certains Lame Show où elle a un petit déhanché sur un quai de gare. C'est elle qui l'a inventé. C'est elle qui est arrivée sur le plateau avec cette idée. Et c'est peut-être un des moments les plus charmants et drôles du film. Et Lee Strasberg, qui est ce grand gourou de l'Actors Studio, va dire, je paraphrase, mais va dire, j'ai rencontré deux géants, j'ai travaillé avec deux géants dans ma vie. Marlon Brando et Marilyn Monroe, c'est tout dire. Et Strasberg, de fait, il va faire partie de ce moment de révolte, Cora. Oui. Parce qu'elle va se révolter contre ce mépris des grands studios. Ça se passe quand, comment, quelle forme prend cette rébellion? Ça se passe à la fin des années 50. En fait, elle va commencer par refuser un rôle que la Fox veut lui imposer, qui est un film avec Sinatra, une autre bluette romantique qui s'appelle La fille en collant rose. Elle va refuser en disant qu'elle exige désormais d'avoir un droit de regard sur le réalisateur. La Fox va refuser, elle va être licenciée, ça va dégénérer. Et finalement, Marilyn va prendre sur elle et partir à New York, où elle va fonder sa propre compagnie de production avec un ami photographe, Milton Green. Et là, elle va commencer à prendre un petit peu les choses en main elle-même. Elle va se mettre aussi à ce moment-là à fréquenter Arthur Miller, qui est un grand auteur de gauche, metteur en scène de théâtre, qui a écrit Les Sorcières de Salem notamment. Et elle va, d'une certaine façon, je ne veux pas dire acheter une crédibilité, mais en tout cas, passer du côté de ceux qui font et non plus du côté de ceux qui sont observés ou qui servent les autres. Donc elle va vraiment prendre son destin en main et essayer de reprendre un petit peu de contrôle sur tout ça. Malheureusement, ça arrive peut-être un peu tard, c'est-à-dire qu'elle est déjà détruite. Elle est déjà dans une spirale qui va malheureusement la mener au pire. Et ce pire se passe dans cette nuit du 4 au 5 août 62, avec encore aujourd'hui une dose de mystère. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites et écrites là-dessus. Qu'est-ce qu'on sait des circonstances de sa mort, Ellen Faraday? On sait peu de choses. On sait qu'elle était en train de tourner un film qui s'appelait « Something's Got to Give ». D'ailleurs, un film assez prémonitoire parce qu'il racontait l'histoire d'une femme qu'on croyait morte et qui revient après 10 ans d'absence dans son foyer. Son mari s'est remarié, il a des enfants, puis elle débarque comme une fleur. Donc, elle tourne ça et ça se passe vraiment pas bien. Elle est internée pendant le tournage, elle prend beaucoup, beaucoup de médicaments, elle prend beaucoup d'alcool aussi, on pense qu'elle est alcoolique. C'est aussi une période où elle fréquente les Kennedy, les deux frères, elle fréquente aussi un petit peu le parrain de la mafia. Donc c'est du pain béni pour les amateurs de théorie du complot, la mort de Marilyn, parce qu'on sait toujours pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle s'est suicidée? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est son médecin qui... Qui aurait mis trop de médicaments dans la dose? Est-ce que c'est un complot carrément? Est-ce que c'est un complot parce qu'on pense que peut-être que les Kennedy lui auraient confié des secrets sur l'oreiller et qu'on voulait pas qu'elle les répète? Il y a toutes sortes de théories. Reste que fort probablement c'est un suicide. Ouais. C'est une femme qui était très malheureuse, on le sait, qui avait une envie de plaire qui l'a consumée au point probablement que ça l'a menée à faire une surdose. Mais il reste évidemment toutes ces images et il faut y revenir, ses films, ses performances d'actrice. Ellen Faradji, merci beaucoup. Merci. Ellen Faradji, blogueuse cinéma à ici, radiocanada.ca. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.